spécial, un amour de FM. Il est 13h30, passé de quelques minutes. Voilà donc le retour avec l'émission Business jusqu'à 17h avec Nicolas pour vous dire avec plusieurs chansons différentes. Voilà donc, eh bien, j'espère que le soleil va un peu rester avec nous tout l'après-midi, puis aussi pour demain avec bien sûr beaucoup de musique différente. Voilà, donc on va débuter l'émission avec tout simplement Boulevard Désert avec Bruxelles et puis suivi les Trois Gourmands avec Souvenirs. C'est pas encore notre aventure vaudrait de l'or.

péripéties. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Voilà, donc moi je vous laisse avec Amir et le titre Rétine. De rien, à peine un regard échangé. On était deux étrangers qui se connaissaient bien. C'est parti de loin. Je ne voulais pas me dévoiler, mais ma pudeur tu l'as volée. Le ciel en est témoin. Combien de jours, combien plein de joie. C'est pas très grave si on ne sait pas. Puisqu'une seconde à tes côtés vaut bien des années. Combien de jours, combien de gens diront qu'on s'aime obstinément. Mais ça m'amuse, m'amuse, on n'est pas près de faner. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi tu pourras compter sur moi. Ça va bien, comme lèvres douces et peau salée, comme quand nos corps se laissent aller, l'océan est témoin. J'aime tes manies, notre magie, ta façon d'être mon ami. Je suis pas superstitieux, mais t'es la chance de ma vie. Et si demain on n'avait plus rien, je te dirais pas adieu, mais merci d'avoir laissé dans mes tempêtes une belle éclaircie. Compter sur moi. Compter sur moi. De ces instants qui passent, de la vie qui te lasse, que reste-t-il au fond? Des riens, des illusions. C'est ainsi que tu trouves un sens. Laisse tout derrière, abandonne ces idées noires dans tes silences. Vis le présent comme une chance, comme une évidence. De tes murs, ces impasses, ce qui les suit. Si tu tombes sous l'effort, relève-toi, reste en accord. Ressens au fond de ton corps ce qui ne tue pas rend plus fort. Aime et donne, c'est comme ça que tu recommences. Que tu trouves un sens. Laisse tout derrière, abandonne ces idées noires. voir dans tes silences. Vis le présent comme une chance, comme une évidence. Aime et donne, c'est comme ça que tout recommence. Que tu trouves un sens, laisse tout derrière, abandonne ces idées noires dans tes silences. Vis le présent comme une chance, comme une évidence. Juste un instant, vous avez pu entendre Ophélie Morival et voici donc Fondial. Il y a des couleurs qu'on n'oublie pas, le cœur, quel drôle de caméra. Il y a des souvenirs qui nous tiennent chaud. Comme bébé, comme la vie. quoi ? Une radio pour moi ? Notre radio ? Radio Arc-en-Ciel. Voici donc bien deux chansons différentes pour une personne que j'aime bien. C'est son nom. Voici donc Jean Gabin et suivi de Céline Dion. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Un peu distrait au doux soleil, la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi que je regarde tout bas. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les voix. Elle chantait les grenouilles et les princesses dorment en bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna, surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour, peut-être un garçon. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui nous. Juste le temps de rêver d'un songe. Il est touché du doigt.

mio Dan, lacrima blu, lascia su grida piuttosto blu, notte di gioia, nessun pensiero, stringi al blu, digione blu, lacrima blu, la mia donna, lacrima blu, innamorata, bacina blu, finché c'è vita, c'è meraviglia, la casa blu, lacrima blu, lacrima blu. Catalina, you drive me crazy, Catalina. Accidente, Catalina. Lascia il cuore, Catalina. Catalina, Catalina, ti amo. Like to make you mine. Come and dance into my body. Move your body till the dawn. Come on, baby, shake it, shake it. Now it's time to have some fun. Come and dance into my body, just you and me. Here we go, I'm gonna make you feel so freaky. Say one, two, three. Hey. Come and dance into my body, just you and me. Here we go, I'm gonna make you feel so freaky. Say one, two, three. Tomboy. Young old man with only a dream. Am qui s'appelle tout simplement Lolo Justine avec Après tout ce temps, et puis suivi de Cylian. Le titre aussi s'appelle Mal de l'âme. Elle a brisé ton cœur, tu ne crois plus au bonheur, personne d'autre jamais ne pourra la remplacer, peut-être sans le vouloir. Tu fais du mal par omission, tu cherches les plaisirs sans question, rien ne pourrait t'émouvoir. Mais combien de temps, combien de temps cela va-t-il durer? Combien de temps ton cœur restera fermé? Dans ce coït sournois, l'ennui se consume, s'accorde dans la brume. De tout cela, il reste quoi? Tu le prends, tu le jettes. J'ai à ta guise, ta gueule d'ange se déguise, un type bizarre, vraiment pas net. Mais combien de temps, combien de temps cela va-t-il durer? Combien de temps, combien de temps ton cœur restera fermé? Nous avons les Chico et les Gypsy Kings suivis de Collectif Métissé. Mmh. passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. Elle dit j'imagine des musiques qui se dansent pour toi. Et bien c'est un petit coucou à Seb s'il écoute, parce que je sais qu'il aime les morceaux de Jesse King. Danse pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence, comme ça, encore une fois. Et on démarre une autre histoire. Et on démarre une autre histoire. Mais ça, c'est une autre. passé un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Voici donc, eh bien, Lily Harmony. Ce titre s'appelle tout simplement Dans son regard. Et c'est une des chansons pour son papa. Et donc, un petit coucou pour Harley. J'ai voyagé de ville en ville, accosté à travers le monde, de quai en quai, de ville en ville, me poser vers d'autres îles, trouver ce bonheur éphémère. Je me souviens de mon père, de ses souvenirs d'hier, me disant reste libre et fier. Qui part, elle ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, Tiago. Y'a pas de love partiel, tout se fait dans la durée. Avancer pas à pas, la meilleure solution. Se connaître l'un et l'autre, on appelle ça fusion. T'as fait de moi le roi de ta vie, le roi de ta vie, ouais, ouais. J'ai fait de toi la reine de ma vie, la reine de ma vie, ouais, ouais. T'as fait de moi le roi de ta vie, le roi de ta vie, ouais, ouais. J'ai fait de toi la reine de ma vie, la reine de ma vie, ouais, ouais. Donne-moi du love, donne-moi du love, et je te ferai voyager. Donne-moi du love, donne-moi du love, et on ne pourra qu'avancer. Je te donne du love, je te donne du love, je te promets que c'est mérité. Je te donne du love, je te donne du love, encore heureux, t'es ma moitié. Viens, on style de là, tout ce monde de brut et de ses méchants. Je te promets que je serai de taille, je te ferai vivre un rêve d'enfant. Je ferai le nécessaire pour te rendre heureuse. Je serai disponible quoi qu'il arrive. Oui, tu sais, oui, oui, tous les deux, on se sent bien. Oui, à nous deux, on trace notre chemin. Oui, tous les deux, main dans la main. Oui, à nous deux, mieux, mieux sera demain. T'as fait de moi le roi de ta vie, le roi de ta vie, ouais, ouais. J'ai fait de toi la reine de ma vie, la reine de ma vie, ouais, ouais. T'as fait de moi le roi de ta vie, le roi de ta vie, ouais, ouais. J'ai fait de toi la reine de ma vie, la reine de ma vie, ouais, ouais. Tu sais, ma vie est bien trop courte. Tu sais, ça arrive de faire des bourdes. Tu sais, en humain tout se pardonne. Tu sais, y'a que tout pour changer la donne. Tu sais, la vie est bien trop courte. Tu sais, ça arrive de faire des bourdes. Tu sais, on est humain tout se pardonne. Tu sais, y'a que tout pour changer la donne. Y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous pour tout changer. Y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous pour tout changer. Y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous pour tout changer. Y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous pour tout changer. T'as fait de moi le roi de ta vie, le roi de ta vie, ouais, ouais. J'ai fait de toi la reine de ma vie, la reine de ma vie, ouais, ouais. T'as fait de moi le roi de ta vie, le roi de ta vie, ouais, ouais. J'ai fait de toi la reine de ma vie. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Voilà, donc je viens du côté du carnaval, avec le carnaval d'amour, avec Frédéric François. Et puis donc, Mickaël, tout simplement, est juste après, on a fait un tour du côté de la fiesta, tout simplement. <musique> canal. Ah, jusqu'au petit jour, les chansons velours, des millions d'étoiles. Un canal d'amour, oh, où tu conduis le bal. La peine, le pont des soupirs, mais un seul je t'aime m'a rendu le sourire. Un carnaval d'amour, oh, la nuit sur le canal, ah, jusqu'au petit jour, les chansons velours. Millions d'étoiles, un carnaval d'amour, oh, où tu conduis le bal, ah, et le bonheur qui fait battre le cœur du carnaval. On s'endort, toi et moi, sur des sérénades. Déjà que dans quelques heures on s'en revivra. Un carnaval d'amour, oh, la nuit sur le canal, ah, jusqu'au petit jour, les chansons velours, les millions d'étoiles. Un carnaval d'amour, ah, et le bonheur qui fait battre le cœur du carnaval. Et le bonheur qui fait battre le cœur du carnaval. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles. matin, c'est sûr, y aura Cotisine, Patrick Lean, Calamine, Tête de Fouine. Mais on fera tout ce qu'il faut pour que tout ça, ça ne se voit pas. Aspirine, mandarine, vitamine et neurogine. Et samedi prochain, on ira faire la fiesta, la fiesta. On va lancer le vélo vert. Elle m'a dit sur le bail, je te sens en danger. Elle m'a dit sur le bail, je te sens en danger. ça c'est trop chic. Je m'en fous, je vais kidnapper. Même si tes copines sont jalouses, mais je m'en fous, c'est ton fou, c'est je fais. Dímelo mami, ya me acostumbré. Dale como reggaeton, acostumbré. Qué coloría, qué fantasía. Chévere esta música la mía. Alguien y más sobre la que a mí. Mueve tu cuerpo, tu anatomía. Ça va être de vous. L'ambiance est chic, c'est le fuego. Et puis on vient pour faire le show. Si tu peux te comprendre, dis-moi dans mon lit. Pour en soirée et puis donc ainsi que pour mercredi. Donc à partir tout simplement, vous allez retrouver Christophe pour l'émission électrique choc à partir de 19h jusqu'à 21h. Et puis donc demain on sera mercredi, comme je vous ai dit à l'instant, et bien à partir de 7h jusqu'à 9h comme tous les jours, du lundi au vendredi avec Francky au réveil. Et puis donc demain entre 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver Victor avec Portugal en festin. Et puis en début d'après-midi à partir de 14h jusqu'à 16h avec Gloria. Et puis entre 19h30 avec Violette, l'émission traditionnelle. Et puis juste après, entre 19h30 jusqu'à 21h, vous allez retrouver tout simplement Christina. Côté du Portugal pour un petit bonjour à Florian, donc deux titres portugais, et puis juste après eux on écoutera tout simplement deux sœurs qui s'appellent Christine et Stéphanie. Ce sont des donc deux sœurs. Voici donc le portugais avant. Noites quentes de verão, a mulherada a gritar, vem Zé, não digas que não. Dão um pezinho de dança em qualquer arraial, e se for com juizinho, ninguém leva mal. E eu adoro. tous un rêve enfoui en nous. Il est temps d'apprendre à se connaître. Pour te faire comprendre, tu as bien le droit de te faire entendre ici-bas. Yeah. Et sur la terre, mais dans nos cœurs, que l'univers. Cette planète où tout commence, nous ferons renaître l'espérance. Il n'y a pas de route qui ne vaille la peine. Non, pas de doute, c'est qui sait. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. We'll be right back. Face de Bolem, voici donc Céline Dion et suivi de Laza.

comme tes drames me font mal, me font mal. Je voudrais tant sortir des flammes de ce mal, de ce mal. Si tu savais comme cet amour me fait sale, me fait sale.

Pierre Lopes et suis de Julie Pétri. Et voilà à toi. Marseille, tu es si belle dans ton habit de lumière. Marseille, toi qui domines la terre, le ciel et la mer. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, tu es ma vie. Marseille, oh, Marseille, oh, Marseille, oh, Marseille, oh, Marseille, toi qui m'as vu naître, tu resteras ciel, c'est du soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Avec tout simplement avec Violette Cara avec Délivre-moi. Destination plus loin que Chouaïa. de destination de François Feldman. Voici donc Frédéric Arnaud. Et le titre s'appelle tout simplement Les Fêtes Gitanes. La chaleur dans le cœur, c'est le vent dans leurs cheveux et la fierté dans les yeux. C'est le soleil que l'on aime, le voyage qui les mène, un instant d'éternité, la famille, le respect. Même s'il est tard, oh, oh, oh, oh, moi je prends ma guitare, oh, oh, oh, oh, on va danser ce soir. Les ennuis, c'est de l'or dans notre vie, c'est le rythme des gypsies, oh, oh Sainte Marie. Et même s'il est tard, oh, oh, oh, oh, moi je prends ma guitare, oh, oh, oh, oh, on va danser ce soir. Hello, hello, hello, hello mon galop. Je n'ai pas peur de la poussière. Hello, hello, hello, hello mes chevaux. J'aimerais vivre cette époque légendaire. Ho, ho, only baby, stand you, baby, baby, so. Ma rue est valeur, amour, mon unique trésor. Amour. Voyage au long cours, amour, amour. Dans le salon en fumée, j'ai dû pointer mon revolver sur la tente d'un vieil ivrogne pour éviter ce fou qui grogne. J'ai suivi le Red River et juste avant de me fiancer, j'irai retrouver la Céléti en partant. Hello, hello, hello mes chevaux, oh, oh, oh, mes souris et californiens.

jamais, jamais. Et puis juste après un autre titre de François Feldman, non, plutôt Franck Michael avec son titre, s'appelle tout simplement Bonjour l'amour. Yeah. Bonjour l'amour, tu es venu, le temps d'un